Donc, on avait vu dans les cours précédents, et comme ça, on va prendre un peu de temps, Inch'Allah, on avait vu sur les buts le but d'envoi des messagers. Et je vais donner en fait une anecdote ici que n'importe qui peut s'en servir pour la da'wah, notamment pour les chrétiens. Donc, ce qu'il y a, c'est que lorsqu'une personne commence à faire de la da'wah à quelqu'un, c'est une personne qui n'est pas musulmane, une personne qui ne connaît pas, qui ne connaît rien sur l'islam, eh bien, il faut avoir premièrement de la hikmah, de la sagesse. Mais avant la sagesse, il faut avoir du ilm. Il faut avoir du ilm, il faut avoir du savoir, puis avoir la hikmah, la sagesse, et savoir écouter la personne avant de répondre. Parce que si on veut entrecouper les discussions, la personne ne sera jamais prête à accepter. Donc, c'est lorsque j'étais en Écosse, il y avait les témoins de Jéhovah qui étaient venus me voir. Et ils ont frappé à ma porte dès 9h du matin. Et ils m'ont dit, voilà, nous voulons vous parler en fait. Et ça, c'est dans leur technique de discussion, parce qu'ils ont compris en fait dans le dialogue, il y a le premier point, c'est ne pas faire de différent avec la personne qui vous écoute. Sinon, elle ne va jamais accepter. Donc, elle va dire, un truc qui est général, nous voulons le bien dans ce monde. Et donc, ce qu'il y a, nous ne croyons pas à la Trinité, parce qu'ils savent que les musulmans ne croient pas à la Trinité. C'est-à-dire qu'ils disent le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Mais lorsque tu lui dis le Père, le Fils et le Saint-Esprit, la Trinité pour eux, 1 plus 1 plus 1, c'est 1. C'est le seul. Ça veut dire que le Père, c'est le Saint-Esprit et c'est aussi le Fils. Et lorsque j'étais en fait une discussion avec une autre personne chrétienne, et qui m'avait dit que oui, qui pensait sur ça et tout ça, je lui ai dit oui, je connais. Mais vous ne comprenez pas votre religion en fait. Parce qu'en fait, ils leur apprennent à dire que si on vous dit expliquer la Trinité, vous répondez avec le sourire, it's mysterious. C'est mystérieux. Et donc ce qu'il y a, c'est que pensez-vous vraiment que Dieu va révéler quelque chose que les gens ne peuvent pas comprendre? Et donc, vous ramenez en fait un point qui est très logique et qui est très simple à comprendre. Si le Père, le Fils et le Saint-Esprit, ça fait un, donc si l'un meurt, tous meurent. C'est ça que ça veut dire. Donc elle a dit oui. Mais vous croyez que Isa al-Salam a été crucifié? Elle a dit oui. Donc, qui c'est en fait qui dirigeait la planète? Qui c'est en fait qui ne faisait pas que... Donc ça veut dire qu'il n'y avait plus de Dieu pendant ce moment-là. Et donc en fait ils sont bloqués parce qu'ils ne savent pas. Elles avaient dit, nous voulons le bien. Et nous ne croyons pas à la Trinité. Parce qu'il y a beaucoup d'injustices et tout ça. Et donc elle m'a fait montrer en fait une image d'un homme qui tenait un lion par son oreille et que tout était bien, puis tous les gens ils devenaient bien et gentils. Même avec les animaux, même avec les plus féroces des animaux, tout le monde était gentil. Donc une fois qu'elle a fini de parler, je lui ai dit, mais bien sûr, il n'y a personne au monde qui ne veut pas un monde juste. Tout le monde veut qu'il y ait un monde qui soit bien, bonheur, tout le monde est content. Et il y a beaucoup d'injustices dans le monde. Parmi les injustices, il y a des vols, il y a des viols, il y a des meurtres, il y a des gens qui tuent au nom d'une religion, il y a des gens qui font des choses selon leur propre compréhension. Tout ça, ce sont des injustices et des déviants. Seulement, il y a une injustice qui est beaucoup plus pire que cela. C'est d'associer à celui qui vous a créé quelqu'un dans votre adoration. Parce qu'un chrétien m'avait dit clairement que pour que sa prière soit acceptée, il doit dire, donc il invoque Allah au début, et puis il dit, en fait, et après, à la fin, il doit invoquer Jésus. Et donc, on a commencé à parler, et donc, comme je lui ai laissé parler, après, je me suis mis à parler, et je lui ai dit clairement, où est-ce que c'est écrit en fait clairement dans la Bible que Jésus a dit « Adorez-moi, je suis Dieu » ou bien « Je suis le Fils de Dieu ». Mais par contre, vous trouverez dans la Bible, ici vous aurez l'occasion d'étudier ça, que Isa alayhi salam s'isolait dans la montagne pour adorer son Seigneur. Et cela, ça m'a fait penser aussi à un autre débat que j'ai eu avec des mormons qui... Ils avaient ramené la Bible, parce que normalement les mormons ils croient pas vraiment à la Bible. Mais ils étudient ça en fait dès qu'ils font des études. Et donc, il avait dit, oui, mais ok, nous on ne croit pas que les prophètes ont des miracles. Pardon, nous croyons que oui, qu'ils peuvent avoir des miracles, mais ça, ce n'est pas une preuve qu'ils sont des prophètes. Je lui ai dit, oui, mais la preuve, elle se trouve aussi dans votre livre, dans le livre de John. Où est-ce que Isa al-Salam lui-même avait dit, il y aura des faux prophètes après moi. C'est comme c'est écrit dans la Bible. Il y aura des faux prophètes après moi, c'est dans le livre de John. Et comment vous les reconnaîtrez? C'est parce qu'ils ne croiront pas en moi. Mais celui qui croira en moi, en fait, c'est le vrai prophète. Je lui dis déjà, il indique qu'il y a un prophète qui va venir après. Ensuite, c'est quoi? C'est que nous, dans la croyance islamique, c'est que dans les six piliers de la foi, c'est croire en Allah, croire à tous les anges révélés, tous les anges qu'Allah a créés, croire à tous les livres révélés par Allah, croire à tous les prophètes et messagers, croire au destin bon ou mauvais mais qui provient d'Allah, et croire au jour du jugement dernier. Donc, si une personne dit « Je crois en Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, mais je ne crois pas en Isa, alayhi sallam », eh bien, celui-là n'est pas un musulman. Il doit croire en tout prophète et messager envoyé par Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, je lui ai dit, et ça, c'est dans une des conditions. Donc, nous croyons en ça. Donc, il avait déjà la preuve. Donc, ce qu'il y a, c'est que, par ici, en fait, on va comprendre le but d'envoi des messagers. Pourquoi, en fait, si une personne vous pose la question, pourquoi des messagers ont été envoyés? Pourquoi il y a des messagers? Pour venir avec différentes législations? Pourquoi exactement? Entre, les ulama, ils disent entre Adam, alayhi salam, et Nuh, alayhi salam, il y a 10 siècles. Tout c'était à l'al-khayr, sur le bien. Puis au temps de Nuh alayhi salam, avant qu'il soit un prophète et messager, parce qu'à Adam c'était qu'un prophète. Parce qu'un prophète c'est pas automatiquement un messager, mais un messager est automatiquement un prophète. C'était le premier prophète, c'était Adam, mais le premier prophète et messager c'était Nuh alayhi salam. Et donc, du temps de Nuh, il y avait des gens, des hommes très très pieux qui adoraient Allah subhanahu wa ta'ala. Et lorsqu'ils sont morts, les gens de cette tribu-là étaient très tristes. Et le shaitan est venu en forme humaine et leur a dit, construisez-leur des statues, comme ça vous vous rappellerez d'eux lorsque vous passerez à côté. Et donc les gens, ils ont dit, bah, c'est une bonne idée, comme ça on ne va pas les oublier. Et donc ces générations-là, ils n'adoraient pas ces statues-là, juste ils passaient à côté. Et ça, c'est ce qu'on appelle khutwat al-shaitan, les footsteps, les pas du shaitan, petit à petit, il ne va pas te dire adore quelqu'un d'autre directement ou fais ce péché. Non, petit à petit, il va te pousser ou te mettre en compagnie de gens qui sont mauvais petit à petit jusqu'à ce que tu tombes dans le péché. Mais les générations qui sont venues après, la science a été perdue. Le shaitan est revenu une autre fois et leur a dit, vos ancêtres adoraient ces statues pour se rapprocher d'Allah. Il ne leur a pas dit renier Allah, non, pour se rapprocher d'Allah. Et c'est là où est-ce que les gens ont commencé à adorer autre qu'Allah. Lorsque ça a commencé, il y a eu une corruption dans la croyance. Et min ajl tasheeh al-aqida, et pour en fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala en fait corrige la croyance des gens, qu'est-ce qu'il fait? Il a envoyé un prophète et messager qui était Nuh alayhi salam, qui est venu avec le même message. Tous les prophètes et messagers avaient le même message. Ya qawm abudullah, malakum min ilahin ghayr. Ô mon peuple, adorez Allah, vous n'avez pas d'autre divinité à adorer excepté lui. Et ça c'est la ilaha illallah. La ilaha nafi illallah isbat. Nafi wa isbat. Une négation et affirmation, elle est composée cette déclaration de la ilaha illallah. Et donc la ilaha, ça veut dire qu'on renie toute divinité qui est adorée en dehors d'Allah. On les renie toutes. Et beaucoup d'erreurs que l'on entend et des gens qui parlent alors qu'ils ne comprennent même pas la ilaha illallah, disent « il n'y a pas de créateur excepté Allah ». Et ça, c'est faux comme définition de la ilaha illallah. Certes, le seul créateur, c'est Allah, mais les kuffars et les mushrikines eux-mêmes savent que le seul créateur, c'est Allah. J'avais parlé avec un frère, je lui ai dit « veux-tu dire que la ilaha illallah, ça veut dire qu'il n'y a pas de... on doit croire sincèrement que le seul créateur, c'est Allah ?» Il m'a dit « oui ». Je lui ai dit, si c'est ça le sens de la ilaha illallah, pourquoi les kuffars de Quraysh n'étaient pas musulmans? Parce que les kuffars de Quraysh croyaient que le seul créateur c'était Allah. « Wa la in sa'altahum man khalaqa as-samawati wal-ard wa sakhkhara ash-shamsa wal-qamar la yaquluna Allah » Et si vous leur posez comme question, qui a créé les cieux et la terre Et le soleil et la lune, ils répondront, c'est Allah. Et dans un autre verset, Allah subhanahu wa ta'ala dit, وَلَا إِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُونَ اللَّهُ. Et si vous leur posez comme question, qui vous a créé, ils diront, c'est Allah. Donc eux, ils n'avaient pas de problème dans ça. Ils savaient que leur créateur, c'était Allah. Et lorsqu'on voit plusieurs versets dans le Coran, où Allah subhanahu wa ta'ala mentionne, وَخَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرِ, par exemple, il a créé les cieux et la terre, le soleil et la lune. Lorsque Allah subhanahu wa ta'ala nous énumère tout ce qu'il a créé, c'est pas pour nous convaincre que c'est le seul créateur, c'est pas ça. Ça, c'est pourquoi, c'est pour que nous remettre en fait dans la tête que si l'on sait que celui qui a créé tout ça, c'est Allah, donc seul lui mérite l'adoration. C'est ça le sens. C'est tout est sur l'adoration. À qui va-t-elle être vouée? Elle ne doit être vouée qu'à Allah. Parce que si l'on sait, et ça paraît logique, mais lorsqu'on commence à creuser un peu, et bien pour certains ça ne l'est pas. Si l'on sait que le seul créateur c'est Allah, que le seul qui donne c'est Allah, le seul qui donne le risque c'est Allah, le seul qui protège c'est Allah, le seul qui fait tout ce que Allah veut faire c'est Allah, et bien seul lui mérite l'adoration. Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala il t'a créé? Tu respires, tu t'en rends même pas compte. Ton cœur bat, tu t'en rends même pas compte. Tu bouges, parfois tu fais même pas attention. Allah, il te donne du risque. Il te donne les bienfaits. Et la personne, qu'est-ce qu'elle fait? C'est qu'elle refuse d'adorer celui qui l'a créé. Ça, c'est une injustice. Et c'est la plus grosse injustice. Comme Luqman, qui était un homme pieux, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, lorsqu'il conseillait son fils, il lui disait, Ya bunay, la tushrik billah, inna shirka la zulmun azim. Dans sourate Luqman, Allah subhanahu wa ta'ala dit, que Luqman dit à son fils, oh mon fils, n'associe rien à Allah, car associer à Allah, c'est la plus grosse injustice, la plus grande des injustices, l'énorme des injustices. Il n'y a pas pire que ça. Ça, c'est la plus énorme des injustices. C'est pour ça que quelqu'un qui meurt, en associant autre qu'Allah, que son cœur, il craint, yani c'est dans le cœur, il craint autre qu'Allah, ou qui l'aime quelque chose ou quelqu'un comme il devrait aimer Allah, et bien ça, il y a écrit, si la personne était musulmane, ça lui annule son islam. Pourquoi? Parce qu'elle est tombée dans le shirk al-akbar, le polythéisme majeur. Et c'est pour ça que parmi les types de polythéisme, qu'on verra plus dans des autres cours, inshallah, c'est que il y a shirk fil mahabba, le polythéisme dans l'amour, ou shirk ta'a, et le polythéisme dans l'obéissance. C'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala dit dans surat Tawbah, اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله. Ils ont pris leurs prêtres et leurs rabbins comme divinités en dehors d'Allah. Et il y avait des gens du livre qui étaient venus et qui ont dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, pourquoi dites-vous que on est en train d'adorer nos prêtres et nos rabbins? On les a jamais adorés. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a répondu en disant, est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala a légiféré une chose dans vos livres et qu'a dit qu'elle était halal? Et vos prêtres et vos rabbins ont dit, on l'ont rendu haram. Ils ont dit oui. Est-ce que vous les obéissez à ce qu'ils ont rendu haram? Ils ont dit oui. Eh bien, en les obéissant, vous les adorez. Parce que le seul qui rend les choses haram, c'est Allah, subhanahu wa ta'ala. Et le seul qui rend les choses halal, c'est Allah, subhanahu wa ta'ala. Et il révèle ça à son prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour ça que on va pas directement dire bois pas Coca-Cola, c'est haram. Tu comprends ce que je veux dire? Parce que tu rends quelque chose haram sans aucune preuve. Tu veux légiférer dans la religion d'Allah. C'est pour ça que dans tout ce qui est dans la dunya, la nourriture, les boissons, tout est permis jusqu'à ce que tu aies une preuve qui te prouve que c'est interdit de le consommer. Alors que dans les ibadah, dans les actes d'adoration, c'est l'opposé. Les ibadah tawqifiyya. Tous les actes d'adoration sont restreints jusqu'à ce que tu aies une preuve pour le faire. C'est pas, ben, je crois que c'est bien et je vais le faire. Il n'y a pas de problème. Non. La religion, elle est complète. Al-yawm akmaltu lakum dinakum. Aujourd'hui, j'ai parachevé pour vous votre religion. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, man amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa radd. Celui qui fait un acte qui ne fait pas partie de notre ordre, ce sera rejeté. وفي البخاري ومسلم رواه عائشة رضي الله عنها من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. Celui qui invente quelque chose dans notre ordre qui n'en fait pas partie, ce sera rejeté. Donc on va pas commencer à mettre haram et halal ça. Et donc ça c'est le shirk fi ta'a, c'est-à-dire qu'on obéit quelqu'un comme on devrait obéir à Allah. Il a rendu haram un truc qui était halal, la personne l'obéit en faisant ça, et ben t'es en train de l'adorer sans t'en rendre compte. Et shirk al-mahabba, c'est divisé en deux types. Il y a une mahabba qui est khassa, en fait, pardon, al-mahabba, elle est divisée en deux types. Il y a une mahabba qui est khassa et une mahabba qui est amma. La mahabba al-khassa, c'est celle, yani, l'amour qui est spécifique et l'amour qui est général. L'amour qui est spécifique, c'est celui qui est seulement pour Allah seul. Rien n'avec lui. On aime Allah subhanahu wa ta'ala au-dessus de tout. Il n'y a rien qui l'égale. Et mahabba amma, l'amour général, c'est inclus en premier lieu l'amour pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam plus que notre propre personne. Puis, on a le droit d'aimer notre famille, nos voitures, nos portables, nos montres, je sais pas quoi. Mais cet amour-là ne doit jamais être égal à l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, ce qu'il y a, c'est que c'est lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé le premier prophète et messager, Nuh alayhi salam, lorsque la aqid a été corrompue. Et tous avaient le même message. C'est ce que je disais au début, lorsque vous faites la da'wah avec les non-musulmans. Ils avaient tous le même message. Il a ad, akhahum Hud, qala ya qawm, abudullah, ma lakum min ilahin ghayr. Au peuple de Ad, leurs frères, si l'on traduit littéralement leurs frères, parce qu'en fait dans le tafsir d'Ibn Abbas, qui est un compagnon du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit parce qu'en fait, ils faisaient partie de leurs frères et en de sang. Pas qu'on dit frère en humanité ou quoi que ce soit. Ils disent frère parce qu'ils faisaient partie de leur famille. Quoi. Et ce qu'il y avait, c'est que, en fait, dans le tafsir de Ibn Abbas, il a dit Akhahum, yani Nabiyuhum, ça veut dire leur prophète. Houd, qui les appelait Ô mon peuple, adorez qu'Allah, vous n'avez pas d'autre divinité à adorer excepté lui. Ils avaient tous le même message. Appelez les gens à adorer Allah seul. Et ce n'est pas appeler les gens à croire que le seul créateur c'est Allah. C'est pas ça. Parce que tout le monde sait, même les non-musulmans, ils savent que le seul créateur c'est Allah. Le but il n'est pas ça. Mawtan al-Nizar, la différence en fait qu'il y a eu ici entre les prophètes et leur peuple, c'était pas de leur convaincre que le seul créateur c'est Allah. C'est pas ça et ça c'est faux. Comme dire, c'est enlever la mauvaise certitude et la remplacer par la bonne. Mais ça, c'est lié à Tawhid al-Rububiyya. Et Tawhid al-Rububiyya, ça inclut l'unicité d'Allah dans la seigneurie. Ça veut dire que le seul créateur, c'est Allah, le seul qui fait, c'est Allah. Et c'est pas ça. Le sens de la ilaha illallah, c'est la ma'abouda bihaqqin illallah. Le seul qui mérite l'adoration en vérité, c'est qui? C'est Allah. Pourquoi? Parce que le seul créateur, c'est Allah. Si on sait ça, c'est ça. Ils avaient tous le même message, ils appelaient leur peuple à se soumettre à Allah. Ils étaient tous musulmans. Muslims. Muslims, en arabe, ça veut dire quoi? C'est celui qui se soumet à Allah, qui se soumet aux ordres d'Allah. Donc tous ceux qui ont suivi Nuh alayhi salam, malgré que pendant 950 années de da'wah, sa vie, elle n'était pas limitée à 950 ans, mais ce qui est mentionné sur le Coran, pour les 950 années, comme les ulama de tafsir ont mentionné, c'est que c'est 950 années de da'wah seulement. 950 années de da'wah, une vingtaine, 25 à peu près, ont suivi Nuh alayhi salam, seulement. Tous ceux qui les ont suivis, qui ont suivi le prophète et messager en leur temps et qui sont morts, ils sont morts musulmans. Parce qu'ils ont cru en Allah et ils ont suivi le prophète comme Allah subhanahu wa ta'ala leur a ordonné. Inna arsalnaka ilaykum rasulan shahidan alaykum kama arsalna ila fir'auna rasula. Nous vous avons envoyé un messager qui est témoin de vous, comme nous avons envoyé à Pharaon un messager. Fa'asa Pharaon ar-rasula fa'akhadhnahu akhdan wabila. Et Pharaon a désobéi au messager, nous l'avons pris alors d'un dur châtiment. Allah subhanahu wa ta'ala ici nous met en garde que lorsqu'il envoie un prophète à un messager, on ne doit pas lui désobéir, ce prophète et messager, mais on doit le suivre. Parce qu'il nous dit, regardez à ce qui en fait s'est déroulé et ce qui s'est passé à ceux qui ont refusé d'obéir au prophète et messager. Nous l'avons pris d'un dur châtiment. Et donc tous ceux qui ont suivi le prophète et messager, Nuh alayhi salam, Ibrahim alayhi salam, tous ceux qui ont été envoyés par Allah subhanahu wa ta'ala, Ya'qub, Ismaïl, Isa alayhi salam, Moussa, Lut alayhi salam, donc tous ceux qui ont été envoyés, Saleh alayhi salam, Hud alayhi salatu wa salam, Ajma'in, et bien tous ceux qui les ont suivis, ils sont, et qui sont morts en les suivant et en croyant en, et en se soumettant à Allah subhanahu wa ta'ala, en adorant qu'Allah subhanahu wa ta'ala seul, ils étaient tous musulmans. Tous. Ils appelaient leur peuple à se soumettre à celui qui les a créés. Tous musulmans. Même Isa al-Salam était musulman. Maintenant, la question qu'on pose, c'est comme ça que je leur dis, et que je leur fais la dawa, le judaïsme et la chrétienté, c'est venu d'où? S'ils étaient tous musulmans. La réponse en là, comme Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, الذين تهودوا وفي التفسير الذين تنصروا aussi. Ceux qui se sont rendus juifs et ceux qui se sont rendus chrétiens. Parce que chrétien, en fait, ça vient de l'anglais, comme je disais la dernière fois. C'était Christian. Et donc, ils leur disent, en fait, parce que Jesus Christ, Jésus-Christ, comme ils disent en français, mais en fait, ils disent, they are Christian because they are following the Christ. Ils sont chrétiens parce qu'ils suivent le Christ. C'était ceux qui ne suivaient pas Isa alayhi salam. Ils appelaient ceux qui les suivaient, ils les appelaient chrétiens. Ceux qui suivaient Isa alayhi salam, ils ne sont jamais appelés chrétiens. Mais ils étaient des musulmans. Ils se soumettaient à Allah, ils n'adoraient qu'Allah seul. Et ils suivaient le prophète et messager Isa alayhi salam qui a été envoyé. Tous. Donc c'est venu d'où? Et on avait dit que le judaïsme, ça venait de Judéa. Et aussi de Juda. Judéa, c'est une ville. Et Judéa, pardon, et Juda, c'est celui qui a voulu en fait... rassembler ceux qui ont inventé cette religion-là, dans cette ville-là. Et donc, ce qu'il y a, c'est que lorsqu'on comprend ça, qu'ils avaient tous le même message, ils étaient tous musulmans, subhanallah, et que Moussa, alayhi salam, il n'a jamais dit « je suis juif », on peut poser la question à n'importe qui se dise de cette confession juive, en lui disant « est-ce que Moussa, alayhi salam, tu dis que ton prophète, c'était Moïse ?» Est-ce que Moïse était juif? Ils ne peuvent pas te dire oui. Est-ce que Isa alayhi salam était chrétien? Et je parlais à quelqu'un, pourquoi tu manges du porc? Parce que Isa alayhi salam, il n'en mangeait pas. Bah oui, parce qu'il était juif. Bah pourquoi t'es pas juif alors? Pourquoi t'es chrétien? Tu vois? Et donc le truc c'est quoi? C'est qu'en fait, ils tiennent sur rien. Donc c'est pour ça. Les gens en fait, ils ont été déviés, ils ont inventé des religions, ils ont inventé des nouveaux chemins, en se disant que ça c'est leur droit chemin et tout ça et tout ça. Alors que ça, ça ne tient sur rien. But d'envoi des messagers, corriger la croyance des gens lorsqu'elle a été corrompue. Ils avaient tous le même message. Ya qawm a'budullah ma lakum min ilahin ghayru. Ô mon peuple, adorez Allah, vous n'avez pas d'autre divinité à adorer excepté lui. Et les preuves que la ilaha illallah, ça veut dire la ma'bouda bihaqqin illallah, c'est d'ailleurs ce verset qu'on a cité. Ya qawm a'budullah, ô mon peuple, adorez Allah. Ma lakum min ilahin ghayru. Vous n'avez pas d'autre divinité à adorer excepté Allah. Adorer Allah, c'est illallah. Et ma lakum min ilahin ghayru, c'est la ilah. Nulle divinité ne mérite l'adoration. Et donc, lorsque on a vu ces points-là, un but d'envoi des messagers, chaque fois que la croyance est corrompue, il y a un prophète et messager qui est envoyé. Ils étaient tous musulmans. Ils avaient le même message. Maintenant, certains vont dire, ok, mais j'ai des doutes sur la véracité de la prophétie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est une américaine qui m'avait dit ça. Elle m'avait dit, ben en fait, crois-tu aux faux prophètes? Elle ne voulait pas me le dire directement en me disant, mais crois-tu aux faux prophètes? Je lui dis, oui, nous croyons qu'il y avait des faux prophètes, en fait, qui ont essayé de se faire passer pour des prophètes, mais ils ont été démasqués. Mais le vrai prophète, c'est comme il y a dans votre livre, c'est celui qui croit au prophète qui était avant lui, déjà. Et un prophète aussi a des miracles. Et parmi les miracles que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a reçus, c'est le Coran. Et c'est aussi dans cette anecdote-là, et je vais finir avec ça, Inch'Allah. Dans cette anecdote-là, lorsque j'ai eu cette discussion avec les témoins de Jéhovah, c'est que je commençais à lui réciter des versets de Surat al-Rahman. Lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala dit qu'entre les deux eaux, il y a une barrière. Entre les deux eaux, l'eau douce et l'eau salée. Il y a une barrière. Parce que les poissons qui sont dans cette eau-là, ils ne vont pas dans l'eau. Je lui dis... Ce Coran a été révélé il y a 14 siècles. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sahbihi wa sallam n'avait pas de sous-marin, il n'avait pas de laboratoire, il n'avait pas de fiole, Il n'avait pas de microscope. Il avait rien de tout ça. Il vivait dans le désert, sallallahu alayhi wa sallam. Donc, comment il aurait pu le savoir? Et je lui ai dit, et ça a été découvert par le commandant Cousteau, qui, entre parenthèses, il avait dit que s'il trouverait cela, il se convertirait à l'islam. Parce qu'il avait en fait un ami qui s'était converti à l'islam, et il lui a donné le challenge d'essayer de trouver ça, parce que c'est un savant, un tarbhal, par la mer. Et il l'a trouvé, mais après, on n'a pas eu d'information s'il s'est converti ou pas. Et il l'a trouvé, en fait, il a découvert qu'il y avait vraiment une barrière. Ça a été découvert il y a 40 ans, environ. Alors que le Coran a été révélé il y a 14 siècles, ya akhi. Subhanallah, comment quelqu'un peut encore douter qu'il va se faire juger le jour du jugement dernier? Subhanallah. Il y a 14 siècles. Comme dans le hadith qui est dans le Bukhari, sahih, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, si une mouche tombe dans votre verre d'eau, trempez-la complètement et enlevez-la et vous pouvez vous boire l'eau parce que dans une aile il y a un poison et dans l'autre il y a l'antidote. Donc, certains ont refusé de croire à ça. J'ai dit quoi? Dans une aile, il y a le poison, l'autre l'antidote. Eh bien, il y a une étude de 2001, et j'ai l'article. Une équipe d'Australie qui ont dit que ça faisait partie d'un programme de doctorants. Et ils ont dit, on travaille depuis 10 ans sur la mouche. Et nous pensons être les premiers à avoir découvert que dans une aile d'une mouche, il y avait en fait un traitement thérapeutique. Subhanallah. Il y a 14 siècles, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ce hadith. Et ça, c'est découvert en 2001. Subhanallah. Comme dans sourate Al-An'am, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala dit, et si Allah veut guider quelqu'un, il lui expand sa poitrine pour contenir l'islam. Et s'il veut dévier quelqu'un, parce qu'Allah il sait qui c'est qui mérite la guider, qui c'est qui est juste, qui c'est qui est injuste, qui c'est qui est... Et s'il veut dévier quelqu'un, il fait que sa poitrine devient, comment on dit, serrée. Comme si que tu lâchais tout ton souffle. T'es complètement serré. Comme s'il s'est levé dans les cieux. Et tu peux expérimenter, cela lorsque tu prends l'avion. Lorsque tu prends l'avion, ils vont vous dire, donc s'il y a un problème, s'il y a de l'air qui rentre, il y a des masques à oxygène qui vont tomber. Pourquoi? Parce que plus tu vas en altitude, moins il y a d'oxygène. C'est comme si tu avais du mal à respirer lorsque tu enlèves tout ton souffle, rétréci. Subhanallah, c'est un phénomène qui est physique, ça. Mais ça a été révélé il y a 14 siècles. Et aujourd'hui, les gens sont en train de découvrir, ont découvert certains trucs. Et lorsque j'étais arrivé à ça, il y avait une vieille dame et il y avait une qui avait à peu près 50 ans. Dans les témoins de Jéhovah. Je lui ai dit ce verset-là, sur d'ailleurs Surat al-Rahman, avec les deux os. Et je lui ai dit, Wallahi al-Azim, je revois encore la situation, comment que c'était déroulé. La personne qui avait la cinquantaine d'années, elle est devenue toute rouge. Et elle me regardait, elle faisait comme ça. Elle a quitté de la tête. Ce que je lui ai dit, ça a été découvert il y a une quarantaine d'années, ça a été révélé, le Coran a été révélé il y a 14 siècles, alors que cette barrière-là entre l'eau salée et l'eau douce a été découverte il y a une quarantaine d'années. La vieille dame, elle a dit, ne dis pas que je dois croire en ça. Je lui ai dit, vas-tu réfuter une vérité scientifique? C'est ton problème, mais la vérité reste la vérité. Subhanallah, et après, elles sont sorties. Donc le truc, c'est quoi? C'est que lorsqu'une personne comprend le but d'envoi des messagers, pourquoi ils étaient envoyés? C'était pas pour convaincre leur peuple de croire qu'Allah c'était le créateur, c'était pas ça. C'était de convaincre leur peuple que si tu sais que le seul créateur c'est Allah, et ils savent. وَلَا إِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَا يَقُولُونَ اللَّهُ. Donc, tu le sais ça. Eh bien, adore que celui qui t'a créé. Subhanallah, walallah al-mathal al-a'la. C'est comme je disais, si je donne 50 000 euros à Kamel, et Kamel il va aller voir le frère Kamel. C'est moi qui lui ai donné. C'est comme une injustice. Il va aller remercier quelqu'un qui lui a rien donné. Subhanallah. Eh bien, Allah, walallah al-mathal al-a'la, pour Allah le meilleur des exemples, Allah subhanahu wa ta'ala t'a donné la vue, la respiration, yani. T'es pas handicapé, t'as tout ça et tout ça. Et ce qu'il y a, c'est que au lieu de l'adorer lui seul, au lieu de lui adorer lui seul, les gens se tournent à autre chose. Qu'Allah nous guide et nous protège. On va laisser inshallah pour l'Aden. Et demain, inshallah, continue sur Sifat al-Munafiqin. Subhanakallahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.